Allez, entre, assieds-toi. Je viens de faire du café. C'est peut-être pas grand-chose, mais ça te fera du bien. Et puis si tu as envie, on pourra en parler. Je te sens un peu perdu, t'as le regard lointain. Profites-en pour tout dire, pour vider ta besace. Et si t'en as envie, pleurer ça fait du bien. Faut pas rester coincé comme dans une carapace. Les potes ça sert à ça, sinon ça sert à rien. Éclater les murs, balayer tous les sarcasmes. Tu as fait le plus dur pour sortir du marasme. Je te sens un peu paumé, je sais ce qui fait mal. Se remettre en question, repartir de zéro. Mais tu peux te reconstruire, t'es comme une cathédrale. Plus solide que tu ne crois, si tu regardes plus haut. À ceux qui t'ont menti, en te laissant sur la route, fais-leur un pied de nez, te montrant plus fort. Je sais, c'est pas facile d'effacer tous les doutes. Mais ce que tu as su faire, tu le feras encore. Éclater les murs, balayer tous les sarcasmes. Tu as fait le plus dur pour sortir du marasme. Ne te laisse pas sombrer, t'es pas le style des primes. Ça te va pas du tout, je sais que tu es plus fort. T'as déjà traversé de plus profonds abîmes. Et tu t'en sortiras cette fois-là encore. T'as de l'or dans les mains, ne le laisse pas fondre. T'as pas beaucoup à faire,